Votre balado commencera après ce court message publicitaire. Cette émission est présentée par IKEA, qui a tout pour vos réceptions. Et durant la promo des fêtes, trouvez tout pour décorer chaque pièce de votre maison et économisez jusqu'à 20% sur une foule d'articles. En cours jusqu'au 24 décembre. Le balado commence dans 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, La Mélodie du bonheur, l'un des films les plus populaires de tous les temps. Vous savez, mes enfants, Do, Ré, Mi, Fa, Sol et la suite ne sont que les outils qu'on utilise pour faire une chanson. Quand on a ces notes bien en tête, on peut chanter des milliers d'airs, tous différents. On les mélange comme ça. Écoutez. Sol, Do, La, Fa, Mi, Do, Ré. Quand Robert Wise réalise le film La Mélodie du bonheur en 1965, il écrit une page importante de l'histoire du cinéma populaire. Son film, qui va remporter 5 Oscars au moment de sa sortie, fait partie des grands classiques du cinéma, ces grands classiques qui survivent à l'épreuve du temps. La Mélodie du bonheur est l'un des films qui a été le plus vu de toute l'histoire du cinéma. Et aujourd'hui encore, le film est régulièrement présenté à la télévision. Mais avant d'être l'énorme succès hollywoodien qu'il a été, La Mélodie du bonheur est inspirée d'une histoire vraie, celle de la famille Von Trapp, une histoire qui a d'abord été racontée dans un livre, puis dans deux films allemands, puis sur scène à Broadway, pour enfin devenir le classique du cinéma américain qu'on connaît. Allez, que j'aime, vous chantez au monde. Des airs qu'autrefois j'entendais chez moi, ces airs du passé forment une ronde. Mon cœur aime tant ces chansons d'antan. Jean-Sébastien, vous étiez pas né. Je m'excuse, ça parle mal. Non, pas du tout. Mais c'est un héritage familial. Ma mère est encore une grande fan de ce film-là, donc j'ai été élevé dans ce film-là. Alors, j'ai aucun souvenir de mon premier contact avec ce film-là. Il a toujours existé et ça a toujours été une tradition familiale. Un film du temps des fêtes, beaucoup. Oui. Hein, pour plusieurs personnes, s'associent alors qu'il ne se passe absolument rien lié au temps des fêtes dans ce film-là. Mais je pense que c'est parce que c'était diffusé à la télévision beaucoup dans le temps des fêtes. Mais c'est Noël du matin au soir. Oui, hein, oui. Exactement. Comme l'alouette, la chanson de l'espoir, chanson. Et encore aujourd'hui, quand c'est le temps des fêtes, je prends mon édition du collectionneur et je vais cogner chez ma mère. On se fait venir du Haut-Coq et on écoute une fois par année La Mélodie du bonheur. C'est un rituel. Venez m'apporter un peu de gaieté. L'animateur et chroniqueur Jean-Sébastien Girard, un inconditionnel du film La Mélodie du bonheur à l'émission Médium Large, animée par Catherine Perrin en mars 2015. Pour nous raconter cette fabuleuse histoire de La Mélodie du bonheur, je retrouve avec plaisir Marie-Christine Blais, amie de l'émission, journaliste culturelle. Marie-Christine, bonjour. Bonjour, Jacques. Parlons d'abord du film, parce que c'est bien une autre chose qu'un simple film, cette histoire autour de La Mélodie du bonheur. Mais commençons par là. Tout le monde à peu près connaît ce film de 1965, film américain. Que représente d'abord ce film-là, qui a été un méga succès dans l'histoire du cinéma américain? Bien, The Sound of Music, c'était son titre en anglais, il est vraiment un des films qui, non seulement aux États-Unis, non seulement en Amérique du Nord, mais dans 29 pays, va être à peu près numéro un quand il sort. Il va recevoir 5 Oscars et de nombreux prix, là, en plus de ça. C'est vraiment un film rassembleur. Ouais. On est juste 20 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et la Deuxième Guerre mondiale est le décor de ce film aussi. Et en plus, la famille Von Trapp, quand elle quitte l'Autriche, je vous le rappelle dans l'histoire, c'est pour aller vers la liberté vers l'Amérique du Nord. Ouais. Donc, c'est un film qui vraiment est important à cet égard-là. On estime que ce film-là représente à peu près 3 milliards de dollars canadiens. En recettes, c'est fou. En dollars d'aujourd'hui, là, ouais. Si on transpose, bien sûr. C'est énorme. C'est énorme comme réussite, si vous voulez. Et c'est aussi un film qui arrive à un moment clé dans l'histoire, je pense. On est encore à l'âge d'or là, des comédies musicales. Ouais. Et les gens qui vont faire la musique, Rodgers et Hammerstein, sont des grands de ouais. ce genre-là. Donc ça, c'est important parce que c'est l'âge d'or des comédies musicales, autant à Broadway. D'ailleurs, ça va être un spectacle. C'est d'abord un spectacle à Broadway avant à partir de 59. Film hollywoodien. Et un spectacle qui va avoir tellement de succès, en fait, qu'il va gagner de nombreux Tony, qui sont les équivalents des Oscars pour Broadway, et qui va être regardé. Écoutez, je pense que dans les premières années, il a été présenté 1440 fois. Ouais. C'est beaucoup de fois, ça, pour un spectacle. Mais c'est l'époque de West Side Story, de Mary Poppins, de My Fair Lady. C'est vraiment ce qui fait que, bien sûr, les gens aiment entendre chanter dans mm-hmm. un film, mais c'est pas la seule force du film. Ouais. Hollywood carbure, en fait, à ses comédies musicales. Oui. Et là, il y a une histoire en or, mm-hmm. celle que vous nous racontiez, parce que c'est une belle histoire. Il y a des beaux paysages. Ah, oui. Enfin, il y a plein de choses qui vont faire de ce film-là le grand succès dont on a parlé. Et qu'est-ce que ça raconte, au fond, ce film? On écoute un petit extrait du D'accord. film, puis tout de suite, on s'y attaque. Réfléchissons à ce qui est gai. Des jonquilles, de vertes prairies, un ciel plein d'étoiles, une pluie de pétales de roses. Ou des moustaches de chaton. Gaies robes claires, coiffures en natte, doux flocons blancs sur mon nez écarlate, les fleurs d'avril en bouquet qui reviennent, c'est là un peu de mes joies quotidiennes. Quand le chien mord, quand l'abeille pique, quand ça marche mal, c'est simple, je pense à mes joies quotidiennes, et tout à leur revoir. Ça marche vraiment? Bien sûr que oui, essayez. Qu'est-ce que vous aimez? La mare à l'avion. Noël. Des tout petits lapins. Des serpents. Pas d'école. Des bagarres de production. Oh, les télégrammes. Beaucoup de beaux cadeaux. Oui. Les bêtes à bon Dieu. Les chiens. Les rats. Éternuer. Achou. Vos souhaits. On l'entend tout de suite dans cet extrait, mais c'est ça, ce film, La mélodie du bonheur, c'est la joie de vivre, c'est le ton bon enfant, et c'est aussi, puis racontez-nous ce que raconte ce film, et c'est aussi le triomphe du bonheur. Et de la famille. Alors que ça partait mal. Ça partait mal. L'histoire, en gros, ça se passe en Autriche. D'ailleurs, le film ouvre sur les plans les plus magnifiques encore à ce jour que j'ai vus des Alpes, et dans le scénario... C'est bien écrit, on commence avec le silence dans les Alpes. Et là, on va peu à peu arriver sur une jeune femme qui chante à quel point elle aime les collines. C'est Maria. Maria qui est une novice à Salzbourg et qui apprend peu de temps après qu'elle va devenir gouvernante chez un capitaine parce que le pauvre capitaine est aux prises avec ses 7 enfants et il sait plus quoi faire. Sa femme est morte quelques années auparavant. Il a besoin d'aide alors que les gouvernantes se sont vraiment succédées dans la maison. Les enfants les font enrager. Elle y va gratuitement. Mm-hmm. Et elle y va avec tout son entrain et sa naïveté et son amour de la musique. Elle arrive et elle tombe amoureuse des enfants, en quelque sorte. Et elle va évidemment tomber amoureuse du beau capitaine. Il y aura une intrigue, une belle baronne qui arrive et qui est très sexy. Est-ce qu'elle aura le cœur du capitaine? Non! Ce sera la belle Maria avec sa robe très laide, mais son grand cœur et son amour de la musique et de la famille. Mmh. Le fait qu'elle aime les enfants dans le film, comme dans toute l'histoire des Von Trapp, c'est ça, l'amour qu'elle a pour les enfants, va peu à peu mettre en train certaines choses, et notamment donc une famille qui va devenir une chorale. Ouais, avec un fond... De nazisme. Ben voilà. On est en Autriche en 1937-38, et comme dans la vraie histoire des Von Trapp, le nazisme arrive, et le capitaine Von Trapp ne veut pas. Et lui, c'est un nationaliste autrichien, il ne veut pas se soumettre. Et donc, ils vont fuir l'Autriche, ouais. Et on les voit dans le film traverser à la fin les Alpes à pied. Avec donc, encore une fois, ce triomphe du bonheur sur une situation qui, au départ, s'annonçait très, très difficile. Et avec, on y revient tout le temps, partout, dans ce film, la musique. Edelweiss, Edelweiss. Every morning you greet me, small and white, clean and bright. You look happy to meet me. Blossom of snow, may you bloom and grow, bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever. Edelweiss. La célèbre chanson Edelweiss, chantée ici par Théodore Bickel. On ne peut pas, évidemment, faire une émission sur La Mélodie du Bonheur, sur le film La Mélodie du Bonheur, sans parler de la musique, Marie-Christine Blais, qui est centrale. Oui, bien, Théodore Bickel, lui, faisait partie de la comédie musicale. C'est ce qu'on entend. Donc, très doux. Et cette chanson, par exemple, elle est remarquable. C'est les chansons de Rodgers et Hammerstein qui ont fait South Pacific, qui ont fait Le Roi et moi, The King and I, et qui font les chansons pour la comédie musicale d'abord. Et ce qu'on entend, par exemple, Edelweiss, vous en rappelez peut-être, c'est présenté comme une chanson patriotique, une chanson du folklore autrichien. Ouais, ben non! Dans le film et dans la comédie musicale. Ben, pas du tout, c'est une chanson qui a été créée de toutes pièces et ça va amener à des choses aussi comiques que, par exemple, en 84, le président Reagan aux États-Unis, recevant l'ambassadeur d'Autriche, lui présente cette chanson typique de son folklore. Bon, oups. Petit malaise! Mais il en demeure pas moins que pour nous, c'est l'Autriche, oui. Ce pays. C'est une certaine idée qu'on se fait de l'Europe, l'Europe aussi sous la botte nazie. Mm-hmm. On n'est pas très loin non plus de l'érection du mur de Berlin là-dedans, hein, dans les années 65. Là. Ça fait 4-5 ans que le mur est construit. Donc, il y a tout ça qui participe au film. Et la musique, vraiment, effectivement, est tellement importante que le disque, par exemple, de la comédie musicale, et je dis bien de la comédie musicale à Broadway, va se vendre à 3 millions d'exemplaires. Je vous laisse penser, la bande sonore du film, ça dépasse l'imagination. Ouais. Et c'est tellement important que ces chansons-là font partie pratiquement de notre folklore personnel, en quelque sorte. Et qu'est-ce qui fait que ça vient tant nous chercher, cette musique? Puis au-delà de la musique, le film, qui est aussi encore, on y revient, un immense succès. Pourquoi c'est un si grand succès, ce film-là? Bien, d'abord, c'est un film patriotique. C'est un film très chaste. On peut le regarder en famille. Il y a comme 3 baisers, je pense, dans tout le film, qui sont échangés. C'est un film qui, au moment de sa sortie, a été jugé sirupeux par la plupart des critiques. Mais je pense que notre cœur de guimauve, celui que nous avons tous en nous, est particulièrement heureux de voir que les bons gagnent. Ouais. Et la musique gagne, la famille, la foi. Dans le film, comme dans la comédie musicale, la foi est très importante. Croire en soi, mais croire donc, aussi... Donc, il y a quelque chose de très traditionnel. De très, très traditionnel et de très, très réconfortant. Ouais. Et de très beau. Hein. Je le répète, le film est une splendeur musicale et visuelle. Il a été tourné à Salzbourg en grande partie. Et je regardais dans différents livres, ils ont fait tout ce qu'on appelle le storyboard, donc toutes les images qui correspondent aux plans principaux du film. Mettre Salzbourg en vedette. Ce film-là, vous l'avez dit au tout début, ça va marcher du tonnerre un peu partout, très vite dans une vingtaine, ben, presque 30 pays. Là. Oui. Ça va être un grand, grand succès. Accueil plus froid en Autriche et en Allemagne. Oui. Bien, d'abord parce que toutes les scènes qui portent sur le nazisme, ça passe difficilement. D'ailleurs, dans les versions qui seront projetées en Allemagne et en Autriche, certains plans vont être carrément retirés du film parce que ça choque encore beaucoup les gens, avec raison. Pour eux, c'est pas une histoire, c'est leur histoire. Oui. Les plans de la ville qui est complètement silencieuse avec des grands, grands drapeaux nazis, oh, c'est un peu lourd pour eux. Mais il y a aussi que ce film correspond à 2 films allemands qui ont été tournés en 1956, Die Trapp-Family et Die Trapp-Family im Amerika. Komm, setz dich auf mein Knie, das ist ein hotter Hü, das ist ein hotter Brrr mit silbernem Geschirr. hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf galopp. Wir reiten ins Schlaraffenland, wo's Kuchen gibt und Zucker kannt. Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf galopp. Wir reiten so geschwind, hui, wie der Wirbelwind. Auf einmal heißer Sa, sind wir in Afrika. Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf galopp. Doch nur nicht so. Donc, avant d'être ce succès hollywoodien dont on parle depuis le début de l'émission, film réalisé en 1965, ce sera deux films en Allemagne, l'histoire de la famille von Trapp. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait du film de 1956, Die Trapp Family. Justement, c'est un peu l'équivalent dont on l'a entendu tout à l'heure, là, Les Joies quotidiennes. Elle chante une chanson, une vraie chanson autrichienne, pour dire aux enfants, n'ayez pas peur. Ouais. Alors que dehors, il y a des bombes, il y a du bruit, n'ayez pas peur. Et comment ça se compare? Vous les avez vus, les films? Ça se compare? Bon, vous disiez, en Allemagne, en Autriche, on a reçu plus froidement la version hollywoodienne. Alors que c'est parce que les films sont très, très, très populaires. Hein? Là-bas, c'est Die Trapp Family. Ils se comparent comment, ces deux films-là, aux films américains? C'est beaucoup moins sirupeux. Ouais. C'est vraiment beaucoup, beaucoup moins sirupeux. C'est de la musique aussi autrichienne. Tous les chants sont des chants folkloriques réels. Donc, pour les gens autrichiens et allemands, ça dit quelque chose. Ouais. C'est pas de la musique inventée et plaquée sur une réalité un peu bonbon, un peu pastel. Et les deux films parlent énormément de l'arrivée des von Trapp aux États-Unis. Ouais. Et de la façon dont ils s'intègrent. Parce que c'est une des beautés de la famille von Trapp, c'est que c'est une intégration réussie. La vraie famille va se faire énormément d'amis en Amérique du Nord. Et c'est comme ça qu'ils vont réussir, avec du travail, avec des échecs, avec des moments complètement délirants, à faire une place. Plutôt que de demeurer des réfugiés, ils demeurent en quelque sorte, ils deviennent des vrais Américains, issus de l'immigration, comme bien des Américains. Et ils deviennent donc une image de l'Amérique qui réussit. Ouais. Le American Dream multiplié par 10 enfants. Cette vraie histoire, on va s'y attaquer tout de suite. Ils partent, donc la vraie famille von Trapp, la vraie Maria, ils partent d'Autriche en quelle année? D'abord, la famille existe depuis beaucoup plus longtemps. Dans le film américain, ça fait quelques années, quelques mois qu'ils sont ensemble, puis là, il y a la guerre. Ça fait 11 ans qu'ils sont mariés. Il y a une différence d'âge importante entre Maria et le vrai capitaine, 25 ans quand même. Et au départ, d'ailleurs, elle le raconte dans ses autobiographies, c'est des enfants dont elle est amoureuse. Et peu à peu, elle va s'attacher à son mari, qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Et la famille s'élargit, évidemment, ils ont trois enfants, eux autres. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de se rendre compte qu'entre elles, qui a 21 ans quand elle arrive dans la famille, et le plus vieux des fils, parce que c'est un fils aîné et non une fille aînée qu'il y a dans la vraie vie, il y a 10 ans d'âge. Ouais. Elle a tout d'un coup 7 frères et sœurs à peu près, elle aussi, et elle s'amuse avec eux. Elle est vraiment joyeuse parce que c'est une personne qui a eu une vie et une enfance très difficile. Elle a été abandonnée, elle est orpheline très tôt, elle a été frappée, abusée. Elle a à un moment donné une révélation qu'elle veut entrer en religion. Elle entre donc à Salzbourg au couvent et là, l'histoire va vraiment rejoindre l'idée, mais ils sont mariés au début des années 20. Le couvent, c'est à ce moment-là qu'elle arrive chez le capitaine. Voilà, exactement. Et les enfants n'ont pas du tout le nom, les prénoms qu'ils ont dans le film américain. C'est vraiment autre chose. Et c'est comme ça que peu à peu, ils vont décider parce que ils décident à un moment donné, et c'est vraiment très, très important pour eux quand ils réalisent que le nazisme s'installe. Mm-hmm. Ils refusent donc une première fois de changer le drapeau, comme dans le film qu'on connaît, mais ils refusent aussi d'aller chanter à l'anniversaire de Hitler. Et leur fils aîné, Rupert, qui est devenu médecin, refuse d'aller remplacer des médecins juifs qui ont été emportés vers les camps de concentration. Et donc là, ils sont vraiment dans l'eau chaude. Il faut qu'ils partent. Ils ne traverseront pas à pied les, les Alpes. Ils prennent un train en disant qu'ils sont attendus pour vrai en Italie pour faire un spectacle parce qu'ils sont devenus entre-temps une vraie chorale grâce au père Wessner. Ouais. Le père Wessner s'est installé chez eux et grâce à ce curé, ils vont apprendre réellement à chanter. Au départ, c'est une chorale amateur. Là, ils vont dans les madrigaux, les motets, la musique extrêmement complexe du Moyen-Âge et de la Renaissance, ils sont vraiment des musiciens hors pair qui jouent sur instruments d'époque, d'ailleurs. Et qui vont jouer un peu partout. Dans le monde entier. Qui vont même venir jouer ici, à Montréal. Après, à ce moment-là, ils vivent aux États-Unis. Là, oui, il y a même une fille qui va épouser un Canadien. Ouais, parce que l'extrait qu'on entend, ça nous ramène à 1955. Déjà, la famille donc, est établie aux États-Unis, mais continue de donner des concerts un peu partout. Donc, écoutez ça, c'est formidable quand même. Les Von Trapp à Montréal. Extrait de l'émission Concert pour la jeunesse, diffusé en 1955. Radio-Canada présente Concert pour la jeunesse. En effet, c'est un grand jour pour les habitués du Concert pour la jeunesse. Nous avons confié aujourd'hui le programme à la célèbre famille Trapp, que plusieurs d'entre vous connaissent déjà certainement. Alors j'ai le grand plaisir, l'honneur de vous présenter Madame Trapp, s'il vous plaît. Bonjour, chers amis canadiens. Nous avons le plaisir de vous connaître déjà, car nos tournées de concerts nous ont déjà promenés dans toutes les parties du Canada. La famille Trapp compte déjà beaucoup d'amis chez vous, et ce matin, chacun d'entre vous sera un nouvel ami de nous tous. C'est donc, c'est fabuleux, c'est les vrais Von Trapp qu'on entend dans cet extrait avec Maria Augusta Von Trapp qu'on entendait tout, présenter en fait sa famille il y a un instant. 1955, c'est... Donc, ils sont déjà en Amérique, c'est même... C'est la dernière année où ils vont donner des spectacles. Voilà. Donc, de 1939-40 jusqu'à 55-56, ils vont faire des tournées 9 mois par année. Ils sont venus plusieurs fois au Québec, plusieurs fois au Canada, et ils vont donc faire une dernière tournée. Et les enfants, entre-temps, même dans le groupe, c'est plus les enfants qui sont là, ils sont remplacés par d'autres, parce qu'ils sont mariés et tout ça. Et en 87, la vraie Maria va aussi mourir à 82 ans. Mais après une vie où... Ça va avoir été plus difficile à la fin. Après la fin de la famille Von Trapp qu'on connaît, elle va vraiment avoir de la difficulté à accepter que c'est fini, que la réalité est finie. Elle devient missionnaire, elle fait toutes sortes de choses. Elle vend pour 9 000 $ les droits elle n'a jamais fait beaucoup d'argent à cause du film, ça, je peux vous l'assurer. Et ils vont même construire un lodge, un grand chalet dans le Vermont, où ils retrouvent des paysages qui leur rappellent l'Autriche, qui existent encore, qu'on peut aller visiter. Il y a encore des petits-enfants Von Trapp au Vermont. C'est une fabuleuse histoire. Je vous recommande, si vous pouvez, de regarder les films originaux en allemand. Ils sont des fois doublés en anglais. Et si vous avez la possibilité, comme j'ai eu le bonheur de le faire, de lire les autobiographies de Maria, c'est hilarant parce qu'elle n'a pas de filtre. Ouais. À une époque, l'expression n'existe pas. Ouais. Et elle raconte l'histoire d'une famille hors du commun. C'est pas pour rien qu'il nous inspire encore aujourd'hui. Marie-Christine Blais, c'était comme toujours un grand bonheur. Merci beaucoup, journaliste culturel, ami de l'émission. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur la nouvelle application Radio-Canada Audio. Et c'est Jacques Beauchamp. Je vous dis à la prochaine. Soleil se couche.